Fondu au noir. Je me réveille en pleine chute onirique, au milieu de la nuit. Tout est propre chez moi. Le tas d'assiettes, les casseroles, les bouteilles vides, tout a disparu. Tout est lavé, rangé, jeté, un mot sur le frigo. Je sors d'un rêve doux. Un matin ensoleillé, après un coup de peigne dans mes cheveux souples, j'avais pris mon vélo, salué les voisins et j'étais allé à la ville en bras de chemise, petit gilet noué autour des hanches. Que le ciel était beau, que l'herbe était verte. Arrivé à la librairie, j'avais garé ma bicyclette avant de pousser la porte en sifflotant pour me placer en queue de file, non sans avoir acheté le dernier livre de G. J'avais alors plaisanté avec des amateurs de romans, nous avions discuté de toute l'œuvre de l'auteur, échangeant nos points de vue, nos interprétations et les thèmes récurrents chers à G. Quand vint mon tour, j'avais enfin eu une brève conversation avec mon auteur. Nous avions blagué. Il avait même ri aux éclats, ainsi que les gens alentour, après une réflexion particulièrement amusante de ma part. Nous avions dû nous séparer à regret, avec une longue poignée de main. En se levant, G m'avait glissé. « Content de vous avoir rencontré, cher monsieur. Bonne lecture, cher monsieur. » J'étais remonté tout guilleret sur mon vélo en chantant « Y'a de la joie !» Et j'avais perdu l'équilibre. J'ai un peu froid. Je vais aller blottir mon corps sous les couvertures. Mais avant, le mot sur le frigo. Tu étais en train de réfléchir dans ton fauteuil. Je t'ai laissé à ton travail intellectuel. Qu'est-ce que t'en écrases aujourd'hui? Merci pour la soirée. C'était très sympa. Je vais me coucher. Je t'embrasse. Merci, Lila. Quand je constate que j'ignore totalement, encore une fois, la date de sa prochaine venue, un grand vide se fait dans ma poitrine. Je ne me vois pas passer toute la journée du lendemain privé de son énergie. Je consens à continuer à mener une vie solitaire sans aucun problème, mais sûrement pas sans elle. Une sorte de solitude à deux, cela doit exister. Je dis vague. Ai-je la moindre preuve de son intérêt pour moi, en fin de compte ? Lila n'est peut-être qu'une sorte de mère Teresa venant en aide aux handicapés. Quand ma jambe cassée ne sera plus qu'un lointain souvenir, elle me laissera probablement pour aller s'occuper d'un chien tuberculeux, d'une mamie astigmate, d'un arbre chétif. Pourquoi diable ai-je même envisagé la possibilité que cette fille s'intéresse à moi? Elle m'aide par charité. Lolek et Danka sont eux aussi de bons samaritains. Aimer également. Il y a des saints sur la terre, j'en profite. Je suis une sangsue. Dans notre société fondée sur un système d'échange, de services, de retours, je suis un pion unilatéral. Je prends quand cela m'arrange, mais je ne donne pas. Aussi, suis-je peu à peu exclu du club. L'unique fautif, c'est moi. Moi seul. Moi qui ai l'impression de sans cesse manquer de temps pour les petites choses que pourtant je m'impose. Moi qui, par conséquent, ne peux pas accorder d'attention aux autres, ou seulement quelques miettes. Car mon temps est précieux. Mon temps. Je suis le propriétaire de mon temps. Le seul. Je suis un harpagon. Ma cassette de temps toujours sous les fesses. Mes doigts crochus agrippant chaque seconde qui fuit. Chaque laps. Je thésaurise. J'amasse. J'entasse. Et je pioche parcimonieusement dans mon butin. Pour en faire quoi? Pour m'exprimer. Pour manger. Pour dormir. Je suis un artiste, monsieur. Il y a le temps et moi. Et le reste autour, qui vivote sans connaître mon destin fabuleux, ma vie rêvée, mon existence tracée par le doigt des dieux, réunie en un concile spécial Miloche. Le monde tourne autour de moi. Je suis un ensemble de rouages parfaitement huilés, destinés à apporter le beau sur cette terre. Je suis la créature parfaite. Je passe ma vie à entretenir la machine de mon corps, à créer du génial, de l'infini. Mon existence se déroule de façon anachronique, universelle, extraordinaire en un mot. Je suis trop pur pour me rabaisser à la contemplation de la plèbe que je laisse à ces misérables travaux du jour. Je suis l'oiseau de nuit, qui vérifie que ses cerfs se reposent bien derrière leurs volets pourris, qu'ils digèrent parfaitement l'indigence de leur petite vie et leur repas trop riche dans leur lit de médiocrité. Seul, sur mon destrier à pédales, je parcours l'immensité de mon territoire, silencieux, dédaigneux, impérieux, crachant mentalement sur la populace qui n'a pas mon destin, mes qualités, mon excellence de vie. Je consens à offrir aux rues ma présence miraculeuse, à baigner la campagne et la ville de mon aura divine lors de mes visites hebdomadaires au père du père, celui qui me fournit le carburant pour presque rien, en échange de misérables légumes de mon royal jardin. Je parle un peu de moi pour lui faire plaisir, pour qu'il saisisse au passage quelques poussières de mon génie universel. Il me régale de quelques offrandes miteuses, mais cela me suffit. Je suis un ascète, je me contente de peu. Au diable les sacrifices de bœufs, de moutons, de vierges, de nouveau-nés. Je ne demande en échange de ma bienveillance qu'une maigre pitance, un peu de pain, un peu de viande, de la farine et du sucre. Et je repars, laissant un aimé vide de sens, dans l'attente de ma venue prochaine, des étoiles dans les yeux, espérant sans répit cette miraculeuse visite qui apporte un sel merveilleux dans sa petite vie indigente. Je suis le roi soleil. Je suis Saint-Louis. Je suis votre empereur à tous. Je suis surtout une merde sans nom, que même les mouches bleues à gros yeux dédaignent en s'éloignant par manque d'intérêt. Que j'ai mal à la tête. Assis dans mon fauteuil, je roule jusqu'à la salle de bain où j'effectue ma toilette du soir. Puis, me brossant les dents, le regard au niveau de la céramique du lavabo, j'accueille une pensée positive. L'avantage de cette position assise, c'est que je n'arrive pas à la hauteur du miroir. Ainsi, je n'ai pas le déplaisir d'être sans cesse confronté à mon image. Je vais me coucher, tiens. Je glisse jusqu'à ma chambre, dont je laisse les volets grands ouverts, afin de m'endormir à la lueur pâle de la lune qui viendra me consoler, comme à son habitude. J'enfile mon pyjama comme je peux, je me coule dans le lit pour un repos bien mérité. Je m'étire de bien-être avant de me placer en position de demi-fœtus, replié comme je peux dans l'attente de l'évanouissement nocturne.